pas dans ta tête. Pour toi, tout était calculé. Ça aurait dû se passer autrement, mais plus rien ne peut s'est passé. Cours, cours, cours. Fais de l'argent inexistant, plus de crime et des magouilles. Fallait se servir discrètement et attendre que l'orage passe. Cours, cours, cours. Demain compte une paix se prend. Écoutez, je vais vous expliquer. Il n'a rien voulu entendre. Une bagarre a éclaté. Cours, cours, cours. Tu sais plus bien comment. Toujours est-il que tu l'as tué. Pour la police et les clients, la chose n'a pas commencé. Cours, cours, cours. La peur se lie dans tes yeux. Peut perdre ton sang-froid. Quand on te voit enlaçant, elle sera ton arrêt de mort. Cours, cours.